On retrouve Raymond Poirier pour nous parler de technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors ce matin, tu nous parles de l'Internet des objets. Oui, on fait une conférence fort intéressante qui a été présentée la semaine dernière du côté de l'Université Laval, l'université qui recevait l'initiative d'une organisation qui s'appelle l'IEEE, l'Institute of Electronics and Electrical Engineers, qui est un institut international qui regroupe plusieurs chercheurs et là-dedans, il y a des conférenciers qui circulent, si on peut dire, de ville en ville, qui sont mandatés par l'organisation pour aller présenter éléments, considérations et autres. Et il y avait donc un chercheur de la Colorado State University qui s'appelle Ayura Jaraya Sumana qui venait parler de l'Internet des objets, donc une technologie omniprésente pour l'innovation et qui a mis sur la table, si on peut dire, les grandes lignes de ce nouveau système-là et ce pourquoi, dans le fond, on devrait s'en préoccuper à très, très courte échéance. Parce que lui dit, ça risque de faire un peu comme Internet, un peu comme Facebook, un peu et les médias sociaux, un peu comme le téléphone intelligent. Donc, le genre de technologie dont on entend parler un peu, et à un moment donné, on se réveille et boom, tout le monde l'utilise. Et ça nous dépasse, là. Littéralement, oui. Et éventuellement, enfin, on en arrive au point après quelques années où, je prends l'exemple des médias sociaux ou du téléphone intelligent ou d'Internet, on ne s'en passerait plus et on n'imagine plus une société sans ce type d'outils-là. Et que ça crée des dépendances aussi. Littéralement. Oui. Et veut pas, en fait, dans l'organisation du travail, de la vie de tous les jours, c'est difficile, effectivement, d'imaginer qu'il y a déjà eu un avant. Donc, ça veut dire que la technologie est évidemment très ancrée et s'est rendue essentielle. Et donc, pour lui, l'Internet des objets, c'est essentiellement les mêmes paramètres. Il dit, présentement, il y en a beaucoup qui en utilisent sans même savoir qu'ils utilisent un objet connecté. J'en suis d'une certaine manière, puisque j'ai un téléphone intelligent. C'est un objet connecté. Ouais. Dans mon automobile, quand je rentre dans mon auto, s'il y a un système électronique qui se met en branle et on dit « je suis à tel endroit », mon automobile est connecté. C'est un objet connecté. Donc, n'importe quoi qui est rattaché à un réseau, les qui n'est pas nécessairement montres. Internet, les montres intelligentes et le reste. Donc, il y en a de plus en plus. Et ce qu'il dit, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, il y en aura encore plus. Donc, d'ici 2020, il s'attend, lui, à ce qu'il y ait plus d'un trillion de senseurs, à tout le moins. Donc, ça exclut en plus d'autres types d'objets, mais donc plus d'un trillion d'objets qu'on peut considérer comme étant des senseurs qui seraient répartis à travers le monde. D'ici 2019, des organisations estiment que ça va être dans à peu près n'importe quel objet connectable qu'on risque d'en retrouver. Donc, ça va se passer très rapidement. Donc, on va multiplier par 15, en fait, le nombre de connexions actuellement. Donc, bref, ça va exploser. Et donc, les gens disent, peut-être que aussi, ça serait le temps éventuellement de transformer le nom de l'Internet des objets pendant qu'il en est encore temps. Oui. Et dans la version anglaise, ils disent on devrait l'appeler le Internet of Everything. Ce serait juste plus simple. Donc, l'Internet de tout. De tout. J'aime ça, moi. Parce que ce qui va être attaché, c'est essentiellement tout. On parle d'un marché qui va excéder 120 billions de dollars d'ici 2018. Ça, c'est seulement l'année prochaine. Donc, évidemment, on imagine à quel point ça va augmenter assez rapidement. Donc, on est vraiment à une étape, selon M. Jaya Sumana, donc d'une révolution majeure dans la sphère des technologies et évidemment une révolution qui va avoir des impacts majeurs aussi sur nos vies. Alors, donc, évidemment, la sous-question, c'est de savoir aussi d'emblée, c'est quoi tout? En fait, quand on parle de l'Internet de tout, donc... C'est presque philosophique. C'est presque philosophique. Qu'est-ce que tout? Et on vit dans un contexte où les gens veulent de plus en plus être connectés. Donc, il y a ce désir-là. On s'est rendu compte que c'était plaisant. Avec Internet, au départ, Internet, c'est un réseau. Donc, on a connecté des ordinateurs. Et la différence, peut-être, c'est que on pouvait connecter des ordinateurs dans une même pièce, dans un même édifice. Mais l'idée de connecter entre villes, entre régions, entre pays, c'était la grande nouveauté, si on peut dire, du web. Donc, on a pu se connecter à partir de postes fixes. Éventuellement, avec le téléphone intelligent, on s'est dit, on peut utiliser des satellites pour se connecter. Et on a créé donc un réseau de téléphones qui était rattaché à notre ancien réseau d'ordinateurs, si on peut dire. Donc, on a rajouté ce réseau-là de plus. Mais même entre les deux, les ordinateurs portables ont été aussi une belle étape là, avec le Wi-Fi. On pouvait avoir notre ordinateur sur nos genoux. Exact, c'est des belles révolutions. Et dans ces contextes-là, ce qu'il dit, c'est la force réelle d'Internet, du téléphone intelligent, d'ordinateur portable, d'à peu près n'importe quel type de ces technologies-là, c'est l'idée qu'on n'est pas connecté seul. Parce qu'évidemment, si on est en réseau tout seul, il n'y a pas un gros réseau. C'est à la limite la même chose avec le téléphone avant qu'il soit intelligent. Donc, l'idée du réseau devient importante. Donc, l'idée, c'est d'enrichir ces réseaux-là pour leur donner plus de force, pour leur donner plus de puissance, pour éventuellement pouvoir pouvoir se dire que quelque chose qui était jugé impossible il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais qui aujourd'hui est jugé comme une évidence, comme étant possible de manière évidente, claire, nette et possible. Donc, quand on parle de ce qui est connecté, donc c'est quoi everything, c'est quoi tout, eh ben on parle évidemment des réseaux sociaux. Donc, c'est le degré A de la connexion actuellement. Donc, tout le monde est connecté via ça, via une certaine identité numérique. Qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, d'une certaine façon, on y est quand même un peu. On finit toujours par y être. Il y a au moins une photo de nous qui va apparaître à quelque part ou notre nom qui va apparaître à quelque part. En fait, il y a quelque chose. Les téléphones intelligents, évidemment, qui y sont, c'est des outils connectés. On parlait de senseurs, c'est aussi des senseurs. Ça peut avoir beaucoup d'usages qu'on n'utilise pas actuellement. Évidemment, tous les outils qui peuvent faire un suivi de nos comportements. Donc, les caméras, les téléphones intelligents, la géolocalisation. Donc, tous ces éléments-là, limite les thermomètres connectés qu'on peut avoir ou autre. Donc, n'importe quoi qui peut nous permettre d'être suivi, si on peut dire. Et à ça, on ajoute tout ce qui est intelligent. Donc, les autos intelligentes, les réseaux électriques intelligents, les maisons intelligentes, les villes intelligentes. Donc, tout ce qui est intelligent est de facto connecté. Et à ça, on rajoute aussi, mais dans le fond, les réseaux. Quand on parlait de senseurs, ben de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, donc les radars, les observatoires, les réseaux satellitaires qui sont déjà existants mais pas nécessairement directement connectés, et évidemment les gens qui peuvent être connectés, les animaux qui peuvent être connectés aussi. Ah oui, c'est vrai, on peut mettre maintenant dans des colliers là. Dans des colliers, oui. Puis en fait même pour les humains, en fait, donc les animaux évidemment qui sont connectés par des colliers ou qui peuvent avoir des puces pour qu'on puisse savoir où est notre chat, et les humains connectés, ça se fait aussi. Donc plutôt que d'avoir par exemple un bracelet qui nous dit qui donne des indications sur notre dossier médical mais quand même rudimentaire, mais il y en a qui ont des conditions médicales qui sont plus graves, qui sont carrément insérer des puces dans le corps pour pouvoir être scanné. Dans le fond, quand ils font une première vérification, il y a un avertissement qui s'allume, si on peut dire, et qui dit, ben cette personne-là a un dossier médical à implanter, elle est vérifiée. Et ça fait science-fiction. Ça fait science-fiction, mais ça peut sauver des vies. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui a une condition particulière, mais qui peut être assimilé à un cancer ou à autre chose, mais qui n'en est pas, qui se fait traiter pour un cancer parce que on y va rapidement, par exemple, parce qu'il est inconscient, ou en fait, du cancer, mais probablement un traumatisme plus réaliste. Mais dans le fond, d'avoir accès au dossier, ça peut effectivement lui donner un coup de pouce. Mais on est clairement dans une science-fiction là. Mais il y avait les bracelets, mais c'est pas tout qui rentre sur un bracelet là. Il y a pas juste pénicilline. Des fois, c'est un peu plus long la liste. Et on imagine qu'on peut déjà aussi imaginer des bracelets connectés, ces genres de choses de base. Donc, l'idée, en fait, même, c'est que présentement, les objets connectés sont surtout utilisés en santé ou dans le domaine manufacturier, principalement. Donc, c'est deux domaines quand même assez phares autour de ça. Donc, c'est un peu l'état des lieux, si on peut dire, de manière générale, de l'Internet des objets. Donc, dans le fond, l'idée, si on observe autour de nous, ben demandons-nous qu'est-ce qui est déjà connecté. Donc, on peut comprendre pourquoi on dit que l'Internet des objets existe déjà. C'est pas une tendance qui va apparaître, elle est déjà là. C'est simplement qu'on l'a nommé Internet des objets il y a quelques temps et qu'on commence à se rendre compte que c'est là de manière plus large, si on peut dire, parce qu'on en parle peut-être un peu plus, mais ça existe. Et ça va exister de plus en plus parce que les objets qui sont autour de nous, qu'on voit, qui sont déjà connectés, ben font partie de l'Internet des objets. Et ceux qui ne le sont pas, il y en a sûrement ici qui pourraient l'être. Je regarde, là, il y a un cadran avant de moi, je me dis, ah, le cadran pourrait être connecté. Peut-être qu'il pourrait avoir un thermostat connecté ici dans les studios de la station. Peut-être une lumière connectée qui envoie des informations. Peut-être qu'on pourrait mettre un scan sur la fenêtre, par exemple, pour une fenêtre intelligente qui peut détecter des éléments, peut-être analyser des passages, des entrées et les sorties aussi. Il y a une caméra de trafic au coin de la rue qui analyse le suivi. Donc, tous des éléments comme ça qui sont soit déjà rattachés à un réseau ou qui pourront l'être. Et évidemment, tout ça ben, rend des choses possibles qui sont quand même assez intéressantes. Oui. Je donne quelques exemples en rafale. Donc, notamment, beaucoup en recherche climatique, ça a donné des belles possibilités. Évidemment, ça nous a permis de mettre en place des réseaux de stations comme dans Grand Nord pour évaluer les évolutions du climat. Donc, ça, c'est des choses qui n'auraient pas pu être faites auparavant. Donc, de dire, ben, on envoie quelqu'un à temps plein là-bas prendre des mesures. Prendre des notes à la main. Et même l'idée, en fait, qu'on pouvait évidemment mettre des stations de mesure, mais qu'il fallait peut-être parfois se rendre sur place pour aller chercher les résultats. Là, les résultats, on les entend en réel au loin, au sud. Ils ont fait une étude dans une université avec un projet qui s'appelle ANGO, où ils ont mis 3500 bouées à la mer, des bouées connectées, pour faire un suivi des conditions à l'intérieur des océans, donc de l'ensemble des océans. Ils ont mis à différents endroits. Et là, ça nous donne, à chaque 30 jours, de l'information extrêmement précise sur les conditions aquatiques, si on peut dire, à travers le monde. Et c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, en fait, s'il y en a qui veulent aller voir les résultats des 30 derniers jours, c'est sur argo.ocsd.edu. On peut voir donc 30 jours de résultats de bouées comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir de l'information précise sur, encore là, l'évolution du climat, ajouté à des réseaux nordiques, à d'autres régions météorologiques. Tout ça nous permet évidemment d'avoir des prévisions météorologiques de plus en plus précises. Donc, c'est une bonification aussi apportée à l'Internet des objets d'un point de vue climatique. À ça, on a aussi d'autres projets pour l'analyser dans la stratosphère. Ils se sont rendus compte, par exemple, que c'était peut-être un peu plus fort d'avoir un réseau de petits satellites, de petits radars, plutôt que d'avoir un énorme radar à un endroit qui analyse une chose, mais d'en avoir plusieurs petits qui analysent plusieurs petites choses, mais même si parfois ils ont individuellement moins de puissance, mais collectivement, ils en ont beaucoup plus. Et donc, tout ça pour dire que, comme je le disais tantôt, ça rend possible des choses qui étaient jugées impossibles ou frivoles il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Le meilleur exemple, c'est un projet d'université à Seattle qui ont décidé de faire du tracking, mais de déchets. Donc, ils ont mis des tags dans les déchets, ont créé des déchets connectés pour voir où les déchets allaient. Finalement, ils se sont rendus compte que, bien qu'il y en avait beaucoup qui se rendaient dans la région de Seattle, il y en avait d'autres qui allaient en Floride, ailleurs aux États-Unis. Donc, de voir un peu où vont nos vidanges. Mais là, Raymond, si on est rendu à connecter et à suivre nos vidanges, encore une fois, notre vie privée pourrait être affecté. Qu'en est-il de notre vie privée? L'Internet et la vie privée. Évidemment, en fait, il y a deux grandes questions, et c'est ce sur quoi d'ailleurs M. Jayasumana a terminé sa conférence en disant, mais évidemment, on ne peut pas passer à côté de ces préoccupations-là. Des questions liées à la vie privée, des questions liées à la sécurité également. Sécurité, par exemple, donc l'idée qu'on peut avoir des attaques, qu'on peut perdre le contrôle de nos appareils à distance. Donc, les hackers peuvent décider d'aller chercher ces outils-là pour contrôler d'autres éléments où, le meilleur exemple, c'est une attaque de courriel qu'il y avait eu il y a quelques mois de ça, où essentiellement, à partir d'objets connectés divers, on avait contrôlé à distance et commandé à ces objets-là d'envoyer des courriels pour, diminuer l'efficacité de certains serveurs, certains outils. Donc ça reste une préoccupation. Au niveau de la vie privée, c'est la question d'être suivi à temps plein. Ce qu'il dit, c'est que dans l'absolu, vous l'êtes déjà, si vous avez un téléphone intelligent, vous êtes suivi. De toute façon. Avec les courriels, avec tout ce qu'on utilise, donc qui n'est pas de propriété individuelle, mais il faut avoir conscience qu'on a déjà fait ces choix-là, si on peut dire. Moi, j'ai abandonné. L'idée, c'est évidemment que ça peut être utilisé pour dans un contexte d'abus, et c'est là le problème, en fait. Abus de confiance, où on va chercher de l'information sur nos comportements, sur nos habitudes, sur les endroits où on se trouve, etc. Et ça peut se faire déjà, et évidemment, ça pourra se faire plus. Et ça, évidemment, on invite dans des contextes comme ça aussi des éthiciens et d'autres spécialistes de ces enjeux-là à se joindre aux équipes technologiques pour anticiper ces enjeux-là et déjà rapidement peut-être essayer d'intégrer dans des conditions d'utilisation, que ce soit à l'attention des compagnies ou des usagers, des textes de loi ou autres qui vont permettre d'éviter les travers et les dérives qui peuvent être engendrés par ce type de système-là. Mais le gouvernement ne veut pas intervenir sur Internet. La neutralité du net est chose législative et complexe. Voilà, Raymond Poirier, merci beaucoup. Fait plaisir. Chargé de communication à Litis, et on retrouve les chroniques quelque part dans l'Internet. Oui, mais en fait, ils sont tous archivés sur litis.laval.ca depuis 2011, je pense. Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Oui. Donc, on va pouvoir se rattraper.